soir jusqu'au matin. 365 jours en vain, c'est navrant de perdre ainsi son temps. J'attends, ça ne me fait pas plaisir. J'ai tant envie de réagir. J'attends que l'on me force. C'est pas malin et ça me fait du chagrin. Je n'ai plus à m'en faire. J'ai le temps, le reste en main diffère. C'est relaxant et ça me rend content. 100 ans au fond de ce cimetière. 1000 ans accroupir sous la terre.